Chapitre 3e. Au mois de juin 1791, la partition de la flûte enchantée était, sinon achevée, du moins fort avancée. Déjà les répétitions avaient commencé lorsqu'à l'occasion du couronnement de l'empereur, les États de Bohême commandèrent à Mozart un opéra de circonstance, la Clemenza di Tito, dont Métastase avait fourni le poème. Entre les braves habitants de Prague et le musicien de Salzbourg, les sympathies étaient de longue date. « Puisqu'ils me comprennent si bien, avait dit Mozart après cette fameuse revanche donnée par eux à la musique des noces de Figaro, trouvée obscure ailleurs, puisqu'ils me comprennent si bien, je veux écrire un opéra pour eux. » Cet opéra, on le sait, fut Don Juan, représenté le 4 novembre 1787, sur la scène de Prague aux acclamations de la cité tout entière, qui, à son éternel honneur, proclama d'emblée le chef-d'œuvre auquel Vienne, toujours travaillée par les intrigues de Salieri et de la coterie italienne, marchandait le lendemain ses applaudissements. Mozart n'avait rien à refuser aux États de Bohême, et il fallut donc se mettre en route. Mozart partit en août 1791 avec sa femme, et chemin faisant entama sa besogne, n'ayant pour tout terminer qu'un délai de 19 jours. Au sortir des excès de tout genre auxquels il venait de se livrer, ce nouveau travail atteignit sa santé. Il dut, dès son arrivée, appeler le médecin, se soigner. Bientôt pourtant il se trouva mieux, et parut jouir avec bonheur de l'empressement que lui témoignait un groupe d'amis et d'amateurs restés fidèles à l'auteur des Noces de Figaro et de Don Juan. L'impression fut même telle chez Mozart qu'au jour des adieux, serrant la main à ses amis, il pleura comme s'il ne devait plus les revoir, ce qui advint. À cette mélancolie, conséquence morale d'un état physique déjà très entrepris, se joignait comme une cause aggravante le médiocre succès de sa campagne musicale, car s'il ne pouvait tenir pour une chute le sort de la Clemenza di Tito, ce n'était pas non plus un bien grand triomphe. Surtout quand on songeait à l'exaltation de cette même ville de Prague au sujet des noces et de Don Juan. On revint à Vienne vers le milieu de septembre. Le découragement et la maladie furent du voyage. Mozart avait à cœur de se relever superbement. Il se mit à la flûte enchantée, à laquelle, du reste, il n'avait pas cessé de travailler, même à Prague, ruminant pendant une partie de billard le délicieux quintet du premier acte. Le coup de feu dura 15 jours et de ce renouveau d'inspiration sortirent les plus splendides morceaux du chef-d'œuvre, le chœur Isis und Osiris, la marche des prêtres, le second final, l'ouverture, autant de merveilles. En ce temps-là, les théâtres allaient vite en besogne. Les opéras de Mozart n'étaient pas d'aussi grands seigneurs que les nôtres. Ils ne se faisaient pas attendre. Le 30 septembre 1791, après 2 semaines de répétition, l'ouvrage fut représenté sous la direction du maître assis à son clavier. La première impression ne répondit point à ce qu'on espérait. Devant ce magnifique imprévu, le public un moment resta décontenancé. Ce style imposant, solennel, tout ce grandiose en un pareil local, c'était en effet de quoi surprendre. Depuis les drames de Shakespeare joués sur des tréteaux forains, on n'avait jamais vu telle disproportion entre la majesté du dieu et l'étroitesse du sanctuaire. Isis et Osiris, dans quelle infime cabane furent cette fois célébrés vos mystères? Hoffmann n'eût pas rêvé mieux, lui dont l'imagination, en fait de mise en scène, aimait à suppléer à tout. C'est pour le coup que dans cette partition semblable au lotus mystique d'où le Brahma indien s'élança sur le monde, le nocturne conteur eut vu revivre l'antique Égypte funèbre et souterraine avec ses palais silencieux, ses temples profonds et déserts, ses obélisques, ses nécropoles, partout peinturlurées des images de la vie. Le pauvre petit théâtre de Schikaneder avait eu beau se mettre en frais de costumes et de décors. Il restait beaucoup à faire aux spectateurs intelligents pour se rendre compte, en un tel milieu, de la pensée de Mozart. Déjà les vicissitudes d'une soirée qui devait d'ailleurs se terminer en triomphe, car les applaudissements, qui d'abord avaient semblé ne vouloir se prendre qu'au passage facile, finirent, vers la seconde moitié de la partition, par s'échauffer pour les beautés d'un ordre supérieur, et lorsque tomba le rideau, l'enthousiasme était partout. On rappela Mozart, qui à son tour fit le dédaigneux, refusa longtemps de paraître, trouvant l'ovation un peu bien tardive, et ne se rendit qu'en se défendant. Plus d'un, à la vérité, n'avait pas attendu l'heure de la victoire pour se prononcer. Un brave et digne compositeur très en vogue à ce moment dans Vienne, Schenk, l'auteur du Barbier de village, fut saisi dès le début d'admiration irrésistible. Cet honnête homme, qui plus que bien d'autres aurait pu se croire le droit d'être envieux, se déclara tout aussitôt d'une façon touchante. Enthousiasmé par l'ouverture, il se glissa en rampant à travers l'orchestre jusqu'à Mozart, et s'emparant de sa main gauche, la baisa, tandis que le maître, continuant de la droite à battre la mesure, le regardait avec attendrissement et gratitude. L'impulsion était donnée. Le succès ne s'arrêta plus, et quel succès ! 8443 florins de recettes en 24 représentations. Ne sourions pas de l'humble somme, bien humble en effet, si on la compare à ce que Robert le Diable, en un même nombre de représentations, valut à l'opéra, mais énorme quand on se reporte à l'époque et pense à l'exiguïté du local, à la modicité du prix des places. Le 22 novembre de l'année suivante, la flûte enchantée touchait à sa 100e représentation et le 22 octobre 1795, on célébrait la 200e. Hélas, pauvre grand homme, à ce succès fameux, il ne devait pas longtemps assister. Quoique souffrant et occupé d'autres travaux, il venait chaque soir au théâtre, amenant des amis, faisant volontiers sa partie dans l'orchestre. Une lettre qu'il écrit à sa femme en villégiature aux environs de Vienne respire encore à la date du 14 octobre la bonne humeur et l'enjouement. Il y raconte comme quoi, cessant tout à coup de venir fonctionner au pupitre, il a mis dans l'embarras son illustre poète-directeur Jupiter Schikaneder, fulminant désormais du sein d'un nuage qui fond en pluie d'or ses colères contre son infâme petit maître. Cependant, vers la fin de ce mois, le malaise s'accrut, et à quelques semaines de là, Mozart gisait sur son lit de mort. Né le 27 juin 1756, il n'avait pas encore 36 ans. Comme il était venu au monde, il en sortait. Plein d'œuvres, de lumière, n'ayant connu ni les infirmités de l'âge, ni les défaillances de l'inspiration. Constance est là, qui ne le quitte plus. La douce et noble femme a tout oublié pour ne se souvenir que de son devoir, de son amour. Sans illusion sur la gravité du mal, le désespoir au fond du cœur, elle appelle à son aide les sourires, les paroles consolantes. Lui travaille à son requiem. On croirait qu'il meurt, il compose. Les doigts étendus dans le vide, il joue de l'orgue et prête l'oreille comme pour entendre les trompettes du jugement. Cette musique sibylline, qui la lui a commandée ? Une voix d'en haut, un de ces pressentiments à la Michel-Ange, comme en eurent deux ou trois de ces sublimes visionnaires devant lesquels l'histoire dévoile à distance ses mystérieuses profondeurs. Laissons Stendhal, crédule et sceptique, philosophie gens credula, nous raconter, sur la foi de 20 autres romanciers de son espèce, l'anecdote du sombre inconnu venant jeter l'épouvante des sanctuaires dans cette âme éperdue, hallucinée. Ces fantastiques inventions aujourd'hui ne sauraient avoir cours. De même que Michel-Ange peuplant la Sextine de ses prophétiques évocations, Mozart, écrivant son requiem, sentit ses épaules fléchir sous le poids des grandes compassions modernes. Il vit l'histoire s'entr'ouvrir et se dresser l'échafaud de Louis XVI et de Marie-Antoinette, la chère princesse de ses souvenirs, la fille auguste et sacrée de cette grande Marie-Thérèse qu'il avait tenue, lui, tout enfant, sur ses genoux. Intuition de somnambule, âme croyante et voyante de catholique et de philosophe, centre de résonance où vibraient toutes les sympathies en vigueur dans son siècle, toutes les idées même chimériques en préparation, Mozart n'avait pas besoin d'invoquer le surnaturel pour lire à livre ouvert dans les événements déjà prochains de la Révolution française et composer sous l'inéluctable dictée de son génie le Sunt Lacrimae Verum musical de la plus tragique de ces catastrophes. Souvent, vers le soir, après être resté des heures absorbé, il souriait à Constance en regardant sa montre. « Bon, disait-il, voici le moment où la reine de la nuit fait son entrée. » Et il ajoutait, en soupirant, « Hélas, ma pauvre flûte enchantée, si je pouvais l'entendre encore, ne fût-ce qu'une seule fois. » Puis, il se mettait à siffloter doucement les couplets de l'Oiseleur. Ce fut ainsi qu'il mourut, cette aimable chanson sur les lèvres et son âme, comme un lac tranquille dont le soleil couchant vient d'irradier la transparence, sa belle âme endormie dans l'apaisement de l'idéal. Pendant ce temps, la ville et la cour fêtaient les Italiens. L'envieux Salieri, directeur de l'opéra qui détestait Mozart, ne se lassait pas de produire les chefs-d'œuvre de Martini, l'auteur plus facile à comprendre de la cause Rara. À lutter contre ces petites intrigues d'une coterie étrangère, l'empereur Joseph II, qui voulait fonder une scène d'opéra nationale, avait usé sa peine. À son règne succédait celui d'un empereur idolâtre de Cimarosa. Ce n'était plus assez pour Léopold d'entendre une seule fois dans la soirée le mariage secret. Le rideau baissé, il descendait sur le théâtre, donnait ses ordres souverains, et tout ce monde de chanteurs et de cantatrices, d'instrumentistes et de souffleurs, après avoir fait joyeuse ripaille, s'appelait d'experts gosiers les vieux vins de la cave impériale, venait de nouveau prendre son poste, puis la musique recommençait. Le goinfre Cimarosa mangeait et buvait pour quatre. Da Ponte, son compère et librettiste, en abouté bon vivant, lui tenait tête. Les morceaux engloutis, les verres vidés rubis sur l'ongle, à peine se donnait-on le temps de s'essuyer la bouche. « À vos pupitres, messieurs de l'orchestre! Au théâtre, mesdames et messieurs du chant !» Et la représentation, itérativement, d'aller son train. L'ouverture d'abord, puis le duo d'introduction, puis le quintet, le final, le duo bouffe des deux basses, et ainsi de suite jusqu'à l'air « Pria che spanti ». Morceau par morceau, c'était comme les jambons du souper, tout y passait. Et quels applaudissements, quelle frénésie! Quand le dernier archer avait fini de racler sa dernière note, l'étoile du matin se levait. On était venu à l'heure du rossignol, on s'en allait au point du jour, à l'heure de l'alouette. Je me figure un de ces dilettanti attardés, rentrant chez lui à pied, la tête pleine de cette double ivresse du vin de champagne et de la mélodie italienne. Il enfile une rue étroite, passe devant une maison connue, voit de la lumière filtrée à travers de maigres rideaux d'un vert jauni. « Tiens, se dit-il, ce pauvre Mozart, si je demandais en passant de ses nouvelles ?» Il frappe. Constance, tout en larmes, vient ouvrir. « Mozart est mort. La farce est jouée. » Disons la farce italienne, jouée devant l'empereur, devant la cour par deux fois, tandis que la flûte enchantée, honneur et gloire du génie humain, a pour temple une bicoque, et pour auditoire la populace des faubourgs. 10 ans plus tard, le 24 février 1801, le chef-d'œuvre fit son apparition sur une scène impériale sans quitter absolument ses premiers lards. Schikaneder, qui d'ailleurs ne parlait de Mozart qu'avec l'émotion de la reconnaissance, regardait cet ouvrage comme la pierre fondamentale de son théâtre, et quand il lui arriva de s'installer dans sa nouvelle salle, An der Wien, il fit, en souvenir d'une période illustre, placer au-dessus de l'entrée un superbe Papageno, ayant en main sa flûte à piper les oiseaux et le public. Toutefois, l'avènement du chef-d'œuvre à Kartnortor valut à notre homme bien des amertumes. Son poème, auquel il tenait, comme tous les chats-huants tiennent à leurs petits, reçut là sa première atteinte. On coupa, rogna, défit et refit le dialogue sans prendre garde aux réclamations du pauvre diable, qui, furieux de voir qu'on lui refusait même d'imprimer son nom sur l'affiche, se mit à bafouer à son tour, dans une parodie de son théâtre, ceux qui le bafouaient si cruellement. Cette fois, l'insulte au moins ne s'adressait qu'au librettiste. Plût à Dieu que la flûte enchantée n'eût jamais connu que cette profanation. Malheureusement, bien d'autres outrages l'attendaient chez nous. Je veux parler de ce qui se passa en 1806, à propos d'une abominable compilation représentée à l'opéra sous le nom des Mystères d'Isis. Une nation, à coup sûr, ne saurait être responsable des sottises d'un particulier. Mais lorsque cette nation, au lieu de conspuer comme elle le mérite, ses œuvres de l'ineptie et de l'impertinence, les supporte et même les encourage, il faut qu'elle n'ignore plus ce qu'elle fait et qu'elle apprenne une fois pour toutes que de pareilles entreprises sont des hontes dans l'histoire intellectuelle des peuples. Cela s'intitulait donc les Mystères d'Isis et se donnait des airs d'anthologie, de mosaïque. Des morceaux empruntés à Don Juan, à Titus, aux noces de Figaro, y remplaçaient à chaque scène ceux de la partition originale qu'on avait cru devoir supprimer. La parodie, comme de droit, intervint et sur l'affiche du vaudeville s'appela « Les misères d'ici ». Mais laissons au passé ces oripeaux et ces misères, et tâchons de savoir jouir des biens que le présent nous offre. En dehors d'un monde fort restreint d'artistes et de gens de goût qui connaissaient hier en France la partition de Mozart dans sa grandeur, dans son ensemble, qui aujourd'hui la connaîtrait sans ce généreux effort du théâtre lyrique ? Disons-le tout de suite, ce qui fait le rare mérite de la nouvelle mise en scène de la flûte enchantée, c'est le sentiment d'honnêteté qu'elle respire. Du simple orphéoniste appelé là pour grossir les cœurs au premier sujet, du bestial monostatos, le caliban de ce monde féerique, à Tamina Miranda, de l'humble initié du temple d'Isis au divin Sarastro, de Papagena, la joyeuse commère viennoise, à la reine de la nuit, morne et tragique sous son diadème d'étoiles, chacun s'évertue et comprend. Tous paraissent pénétrés du souffle de cette incomparable musique. Telle cantatrice habituée aux évolutions chromatiques les plus éblouissantes ici devient sérieuse et juge, en véritable artiste, que ce n'est point trop de tout son style pour rendre cette phrase d'un sens si profond et si clair. Omnia sub specie eterni, cette musique, du commencement à la fin, ne dit pas autre chose. La religion et l'art semblent s'y unir pour glorifier l'être humain dans ce qu'il a de plus élevé. Quelle inspiration que cet air où Tamino exprime les premières émotions de son amour. Dans le même ordre d'idées, Mozart n'a jamais rien conçu de si beau. De tous les sentiments que l'homme éprouve, le plus pur, le plus divin est celui que la femme fait naître. Seulement, cet amour dont parle Tamino n'est point la passion comme dans Don Juan ou les noces de Figaro, mais quelque chose de plus moral, de plus sublime, un but auquel on n'atteint que par la vertu de l'initiation. Je voudrais pouvoir ne donner que des éloges aux traducteurs de la pièce allemande. C'est bien sans doute de s'abstenir de toute manipulation indécente du texte musical, mais c'eût été mieux encore de respecter dans les personnages et les situations du libretto la pensée de Mozart. Que signifie, par exemple, cette invention d'aller faire un pêcheur de Tamino, qui, chez Mozart, est un prince, l'idéal et la perfection des princes philosophes? Quand les traducteurs cessent d'être en cause, c'est le tour des décorateurs, des costumiers. Je crains qu'on ait voulu trop bien faire les choses, c'est un tort. Ces chefs-d'œuvre conçus dans l'idéal, l'abstrait, ne se montrent pas comme un opéra de Meyerbeer. Trop de couleurs locales, de fatras égyptiens, de ponts pierratiques. Il faut détendre, mettre surtout de la bonhomie, du naturel. Cette musique vit dans le cœur et se joue dans le bleu. Beaucoup moins romantique que votre mise en scène n'a l'air de croire, elle est par contre beaucoup plus romanesque. Un oiseleur rencontre une princesse, et, seuls, les voilà chantant au milieu des forêts un hymne à l'amour, trésor d'innocence, d'ingénuité, d'émotions vagues et tendres. Le cloître de Robert le Diable, la gorge au loup du Freischütz, donnent un rôle dans la musique de Meyerbeer et de Weber. Il convient donc qu'on nous les représente avec le plus de vérité possible, car de l'impression de terreur que cet appareil théâtral va produire dépendra en grande partie l'effet de la musique, du mélodrame. Mais ici, la musique n'est pas mêlée au drame, étant le drame même. Qu'ai-je besoin qu'on me peigne cette forêt ? J'écoute et je suis ravi. Et bien loin de penser au décor, de me laisser distraire à l'accessoire, je ferme les yeux pour mieux entendre. Cette circonstance de deux amants supportant de compagnie les périls de l'initiation, au lieu de servir de motif au machiniste, n'a pour Mozart que le simple attrait d'une étude psychologique. C'est dans l'amour de Tamino, dans son héroïsme et sa vertu, comme aussi dans les infortunes de la jeune princesse, dans ses plaintes et son absolue soumission, qu'il a placé cet intérêt que tant d'autres demanderaient aujourd'hui à la fantasmagorie. C'est pourquoi gardons-nous d'entremettre. On ne saurait croire combien toutes ces surcharges, toutes ces interprétations décoratives nuisent à l'effet musical. Le caractère de Sarastro s'y transforme complètement. Dans ce lourd pontif, emmailloté, crossé, mitré, empêtré de carapaçons hiératiques, vous avez peine à reconnaître le personnage de Mozart, si doux, si humain, si dégagé du fardeau de l'erreur, ne vivant que pour le bien de ses semblables. Sous cet écrasant appareil de voiles, de bandelettes et d'écharpes, l'acteur momifié ne songe qu'à sa propre contenance, et le trouble qu'il trahit en abordant ses airs serait à coup sûr moindre sans cet excédent de bagage sacerdotal, trouble d'ailleurs bien naturel, et qu'on s'explique par les gigantesques proportions de cette architecture musicale. Ce n'est pas un nerf, cela, mais un monument, mais un temple. L'abbé Arnaud disait à propos de l'Alceste de Gluck qu'avec de pareilles musiques, on fonderait une religion. Que penserait ce prêtre de cet air, émanation d'une âme froissée jadis, et qui, désormais réconciliée avec les lois suprêmes, pénétrée du sentiment de l'harmonie éternelle, s'est réfugiée au sein de l'être, et de là contemple la créature d'un œil d'amour et de compassion, aidant et conseillant ceux qui souffrent, qui cherchent. La portée de ce morceau touche à des profondeurs inusitées, descend au contre-fa. On a raconté que Mozart avait eu ainsi pour objet d'utiliser les notes graves d'une voix de basse exceptionnelle. C'était se méprendre. L'effet ici n'a rien d'occasionnel. Il est calculé, médité, voulu, et c'est dans le sens moral, profond du rôle. Et non dans le hasard d'une rencontre qu'il en faut chercher la raison. Il est vrai que ces petits détails prêtent à l'anecdote. Un Stendhal, sans trop y croire, les exploite, et les moutons de Panurge de sauter. La même erreur devait se produire au sujet des deux airs de la Reine de la Nuit. Évidemment, jamais Mozart ne se fût avisé de lancer ainsi sa musique à travers les étoiles, s'il n'avait eu sous la main pour l'y porter la fulgurante voix de sa belle-sœur, Madame Hofer. On oublie donc qu'ici tout est symbolisme, et que ces sons étranges, merveilleux, dont la perception éblouit notre oreille, en même temps qu'un effet musical, sont une idée. Mozart, quoi qu'il fasse, est toujours musicien. Jamais vous ne surprenez chez lui le philosophe, le prophète. Il rêve, il sent, compose en musicien. Le beau qu'il cherche, c'est le beau musical dans sa grandeur la plus régulière, sa perfection la plus harmonique. Mais, comme chez lui, le musicien et l'homme ne font qu'un. Comme cette harmonie du beau n'est que la conséquence de la parfaite harmonie de son être, il en résulte que sa musique traduit son âme et nous livre, sans que lui-même en ait conscience, tous les trésors d'observation philosophique, d'humaine tendresse et de religion que cette âme sublime contient. Le sentiment est tout, le nom n'est que bruit et fumée enveloppant la céleste lueur. Ces paroles de Faust à Marguerite peuvent s'adresser à Mozart. À lui aussi, le divin s'est révélé dans sa grandeur, sa mansuétude infinie. Lui aussi a ressenti au plus profond de l'être le contre-coup des misères de la vie, l'impuissance de l'homme en lutte avec les lois suprêmes du grand tout. Déchu maintes fois, tombé en proie à ses passions, à ses faiblesses, il a su se relever par la grâce et trouver l'apaisement final. Là est la vraie explication de ce mystère qu'on appelle la flûte enchantée, le fil conducteur dans ce labyrinthe. Le calme y succède au calme. Le motif, au lieu d'y chercher le contraste, semble l'éviter. Le doux s'y mêle au plaisant, le tendre au solennel, et tout cela se suit, se développe, sans que vous éprouviez autre chose qu'un sentiment de bien-être profond. Rien de théâtral, d'antithétique, une atmosphère égale, pure, élyséenne. Seuls, deux morceaux par leur coupe et leur accent tranchent sur ce fond d'azur, les deux airs de la Reine de la Nuit. La forme s'amplifie. Récitatif, andante, allegro. Vous avez le poème du grand air italien, et dans ce poème, le naturalisme du génie allemand. La Reine de la Nuit appartient au règne des esprits élémentaires, puissance extra-humaine, mais non pas surhumaine, comme sont les génies. Elle marche, entourée d'une lumière décevante, d'un rayonnement prestigieux. Il fallait, pour caractériser cette vision démoniaque, des sonorités spéciales, et rappelant par leur éclat strident l'éclat phosphorescent des étoiles de son diadème, si différent de l'auréole céleste répandue autour des trois génies. En plaçant le point d'activité de cette voix en dehors des sphères ordinaires et sur des hauteurs accessibles aux seuls instruments, Mozart donne à son personnage une prodigieuse intensité de fantastique. À ce sens mystérieux du rôle, au moins n'aura pas manqué la jeune et vaillante Suédoise qui joue la Reine de la Nuit au théâtre lyrique. En vraie fille du Nord, en sœur de Jenny Lind, elle a compris l'idée du maître. Si sa voix aiguë et vibrante escalade le ciel, c'est pour maudire de plus haut comme une titanide. Les notes sortent de sa bouche comme des vipères de feu. Elle a des ricanements d'écate. Il y a un moment où c'est quelque chose de musicalement inappréciable, un chant d'oiseau des ténèbres. C'est le beau dans l'horrible. Les sorcières de Macbeth l'applaudiraient. J'ai dit que tout le monde faisait son devoir. Par tout le monde, j'entends aussi le public. Notre époque a cela d'excellent, qu'elle pratique ouvertement le culte du génie. Le respect qui sur tant d'autres points nous a quittés, sur celui-ci nous est venu. Il y a 40 ans, on sifflait Shakespeare, le sauvage ivre. On riétonnait de Beethoven, de Weber. Aujourd'hui, de telles orgies révolteraient les plus sceptiques. Ceux-mêmes qui frondent tout, raillent tout, les plus tapageurs devant certains noms se découvrent. Touchez à Dieu, si vous voulez, mais ne touchez pas à Mozart. On dirait qu'à mesure que l'éternel divin perdait des droits, l'éternel humain en gagnait. Il est vrai que cet humain-là, par d'autres voies et sous d'autres formes, ramène au divin. En ce sens, Mozart et Raphaël sont des apôtres. Voyez le public au théâtre lyrique, il accourt, il afflue, et poussé, pressé, haletant, écoute, se laisse ravir, enchanté. Une féerie où le merveilleux procède de l'intelligence. Jamais pareil spectacle en France ne s'était vu. La partie gaie viennoise amuse. Tous ces leaders frais, jolis, vont et viennent comme les oiseaux du bois, voletant, gazouillant. On sourit d'aise, le cœur se dilate, s'épanouit à ces battements d'ailes, à ce printemps, à cette mélodie infuse dont les tiédeurs vous enivrent. Puis, soudain, quand l'oratorio commence, l'émotion de la salle change d'aspect. C'est du recueillement. Vous n'êtes plus au théâtre, mais dans un temple. Les airs de Sarastro, les entrées des génies, les solos d'initiés, les chœurs de prêtres se succèdent sans que l'intérêt fléchisse un seul instant. On admire, on se courbe. Cette calme et sublime harmonie monte et se répand comme un encens au milieu d'un silence de sanctuaire, et personne n'en veut perdre un son. Quel homme de goût assistant aux Italiens à une représentation de Don Juan n'a maugré à ce bruit de porte qui s'ouvre et se ferme dès les premières mesures du second final. La statue entre, on s'en va. C'est de tradition. Et le savoir-vivre veut qu'on laisse se jouer dans le désarroi de la salle qui se vide une scène dont la grandeur tragique n'a point d'égal. Au théâtre lyrique, de tels airs ne seraient point de mise. La fashion exige ici qu'on se montre attentif. Le croira-t-on ? Le second final, le plus long que Mozart ait écrit, y passe tout entier avec ses développements extraordinaires, ses motifs fugués, et ce public non seulement ne sourcit point, ne boude point, mais on voit à son attitude qu'il comprend, et si bien que vers la fin la pièce elle-même, par la musique, l'intéresse. Le vieux prince Metternich disait: il en est d'une constitution politique comme d'une constitution physique. L'une et l'autre valent par leur durée. Quand un homme a vécu 90 ans, je ne m'informe pas s'il avait une bonne constitution. M'est avis qu'appliqué à l'estimation d'un libretto d'opéra, ce raisonnement ne perdrait rien de sa justesse. Qu'on bafoue et vilipende tant qu'on voudra l'élucubration du poète Schikaneder, je prétends, moi, ne la juger que parce qu'elle a produit, et je me demande si un scribe, dans toute l'ingéniosité de son talent adroit, malin, flûté, dans toute la plénitude de ses ressources expérimentales, serait jamais parvenu à fabriquer pour le génie d'un Mozart une pièce qui valût ce programme naïf, grotesque, impossible au point de vue théâtral, mais prétend à l'interprétation philosophique, au mysticisme, à la poésie, ouvrant ses fenêtres sur l'idéal, et d'où, finalement, la musique aura tiré son plus grand chef-d'œuvre. J'ai dit le mot, et je le maintiens. Beethoven, je le sais, n'est pas un juge toujours sûr. Il a ses quintes, ses bourrasques, ramène à l'œuvre les sympathies et les rancunes que l'auteur lui inspire, fait tête ou se rembuche, et selon la lune, honnit ou acclame. Toutefois, son opinion, lorsqu'il se donne la peine de la motiver, mérite qu'on s'y arrête. Et bien qu'il affecte de tenir surtout compte à Mozart de s'être montré, dans la flûte enchantée pour la première fois, un véritable maître allemand, on sent que son oracle ici lui est dicté par une saine et calme appréciation des choses. Personne au monde, mieux que le grand symphoniste, ne pouvait avoir à prononcer sur une partition qui, grosse de tous les trésors de la polyphonie moderne, va du lied au choral, à la fugue. Et quand Beethoven déclare que la flûte enchantée est le plus grand chef-d'œuvre de Mozart, il faut l'en croire. Toute la splendeur de la musique est là, à commencer par l'ouverture, un tour de force du génie. Mozart y bat les vieux maîtres du contrepoint sans avoir l'air d'y toucher et comme en vous disant « Voyez, ce n'est pourtant pas plus difficile. » Tant de science lui semble un jeu. S'il emploie la fugue, c'est que son sujet l'y convie et qu'il veut, comme le prêtre d'Isis, par l'ombre et la nuit, conduire l'initié vers la lumière. Ce sens mystérieux qu'on retrouve partout dans le chef-d'œuvre, c'est la vie même de Mozart, avec ses erreurs, ses travaux, ses degrés d'initiation parcourus. À propos de symbolisme, qui n'a remarqué dans la flûte enchantée cette prédominance triomphante du majeur, du mode clarté, transparence, lumière? Lorsque survient le mineur, le mode nuit, ténèbres, c'est par accident, et comme une nuée voilant le céleste azur. À cette harmonie si longtemps cherchée, trouvée enfin, le majeur devait servir d'expression, de couleur. Désormais, le beau divin et le beau humain ne font qu'un. Plus d'antagonisme des deux principes, de lutte comme au Moyen-Âge. L'idéal dans le sensuel, l'infini dans le fini, une musique qui, si quelque chose pouvait l'égaler, ne trouverait son terme de comparaison que dans la plastique des Grecs ou la peinture de Raphaël. Ainsi s'achève Mozart et la flûte enchantée de Henri Blas de Bury.